cours numéro 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On continue ensemble l'étude de هذه الرسالة النفيسة في الأصول, dans les fondements du fiqh. الأصول من علم الأصول للعلامة Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Et dans le cours précédent, on a fini l'étude d'un chapitre très important, Wahwabab al-Qiyas, le raisonnement par analogie, hakada yutarjimoun. Et on avait détaillé, walillahi alhamd, et à la fin du livre, on essaiera ensemble, inshallah ta'ala, de faire une révision complète du livre. أما اليوم on commence un nouveau chapitre بتوفيق الله عز وجل. قال رحمه الله التعارض. هذا الباب شيخ العثيمين رحمة الله عليه il l'a cité après ces chapitres qu'on a étudié ensemble, أي sur les preuves القرآن والسنة والإجماع والقياس. Tu as quatre catégories de preuves. Le Coran et la Sunna, bien sûr, la révélation. Al-Ijma', l'unanimité. Et Al-Qiyas. Thumma, après avoir cité ces preuves, ces catégories de preuves, rahmatullah alayhi, il a cité Bab al-Ta'arud. Et c'est un Bab kadhalik très très important. Limada, li'anna qad yihsul shay min al-Ta'arud. Par rapport à la science de la personne, bien sûr, à sa compréhension. Fafi Adelbab, Shir Mlatimin, Rahmatullah Ali, il a montré comment faire en cas de ta'arud. Al-ta'arud, c'est la contradiction. Wa'alam, Shir Mlatimin, Rahmatullah Ali, il a fait cette remarque à la fin du chapitre, et nous on peut la faire ensemble ici pour bien comprendre. Anna la yumkin. أن يحصل التعارض بين الأدلة الصحيحة. C'est pas possible qu'il y ait une contradiction entre les preuves. كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ça nous montre أن القرآن والسنة il y a aucune contradiction. أما dans autre que le Coran et la Sunna, نعم, il y a des contradictions, il peut avoir des contradictions. لكن on peut se poser la question فلماذا ce chapitre لأن قد يحصل شيء من الالتباس والتعارض par rapport à l'insan. C'est pour ça que tu peux trouver un savant et avant il pense que tel hadith il contredit tel verset ou l'inverse ou deux versets ou deux hadiths et في الحقيقة لا تعارض, tu trouveras un autre savant qui montrera الحق في المسألة. Donc على كل حال, et c'est cela la première remarque, أنه لا تعارض بين الأدلة الصحيحة. Il n'y a pas de contradiction entre الأدلة الصحيحة. Il y a toujours une solution. إما الترجيح, إما الناسخ والمنسوخ, إما هذا إلى عام, هذا إلى خاص. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, رحمة الله عليه, il a expliqué ces points dans ce chapitre. قال رحمه الله تعريفه. La définition du ta'arud, at-ta'arud lughatan at-taqabul wa at-tamanu'. At-taqabul wa at-tamanu', c'est deux choses qui ne peuvent pas se mélanger, deux choses qui s'opposent. C'est ça at-ta'arud. Wa istilahan, ay dans notre cours fi hadha al-'ilm, 'ilm al-usul, taqabul ad-dalilayn bi hayth yukhalifu ahaduhuma al-akhar. Ay deux preuves, que ce soit min al-Qur'an ou min al-Sunnah, qui s'oppose et tu ne peux pas rassembler entre ces deux preuves. C'est ça, al-Ta'arud. Qala aqsam al-Ta'arud arba'a. Ay, huna, il a cité un kalam nafis jiddan pour nous montrer, rahmatullah alayhi, comment faire si on a un dalil qui contredit un autre en apparence. Qu'est-ce que tu dois faire, anta? Le but de chacun, ça doit être de rechercher le haq. Et là, chacun a le haq, il est dans le dalil. dans la preuve. Lakin, في هذا الحال عند التعارض قد يحصل للإنسان on a dit. Même s'il n'y a pas de contradiction dans les preuves, et ça, c'est clair. Lakin, pour l'un de nous, il peut avoir une contradiction en apparence, à cause de nos faiblesses, à cause de notre manque de science, à cause de notre compréhension, etc. ففي هذا الحال, tu dois appliquer هذا. قال وأقسام التعارض أربعة. أي هذا التعارض, il y a plusieurs catégories. On a cité quatre. رحمه الله. قال الأول, أي القسم الأول. أن يكون بين دليلين عامين وله أربع وله أربع حالات. La première catégorie, هذا التعارض, et cette contradiction, elle peut être entre deux preuves, من باب العموم. وتقدم معنا باب العام. On va pas répéter à chaque fois le chapitre de العام والخاص. تقدم معنا. العام, c'est la généralité, la globalité. Donc tu peux avoir deux preuves, globale, générale, qui se contredisent en apparence. Thumma, tu as quatre sous-catégories. La première, qala, aïe, comment faire? Qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là? Si tu as deux preuves qui se contredisent en apparence. Et ces deux preuves, c'est mimbab l'am, c'est des généralités. Qala, awwalan, an yumkin al-jam' baynahuma bihayth yuhmal kullun minhuma ala hal. La yunaqidh al-akhar fiha fayajib al-jam'. Dans ce cas-là, awwalan yuhmal kullun minhuma ala hal la yunaqidh al-akhar fiha fayajib al-jam'. Dans ce cas-là, on doit faire al-jam'. Fi al-haqiqa, il n'y a pas de contradiction. Le problème, il vient de nous. Le manquement, il vient de nous. Donc on doit faire des efforts et bien sûr avec cette base, il ne peut pas y avoir de contradiction entre les textes. On parle bien sûr de textes authentiques. قال مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحببت. Et on a il faut bien lire les deux versets pour ne pas se tromper. Enfin, le premier verset, wa innaka la tahdi. Ne pas prolonger le la, huna. Les nations le prolongent, ça devient une négation. Faqouluhu wa innaka la tahdi ila sirat mustaqim. Et tu guides sur le droit chemin. C'est une affirmation. Et le deuxième verset, innaka la tahdi. Vous avez remarqué qu'on prolonge le la. Limadha li annahu. Huna, c'est la pour montrer la négation. Innaka la tahdi man ahbab. Donc le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il guide sur le droit chemin. Et le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt, il a montré un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne guide pas. Donc il y a une contradiction en apparence. Le premier verset, annahu, il guide. Et le deuxième verset, il ne guide pas. Et il ne peut pas guider les autres, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qala wal jam'a baynahuma, anna l'ayat al-oula yuradu biha hidayatu d-dalala ila l-haq. وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. هنا, ces deux versets, on peut faire le jam'. Il n'y a pas de contradiction. On peut rassembler. Les deux versets, ils sont bien sûr authentiques. C'est min kalam illahi azza wa jal. Et il n'y a aucune contradiction. Et pour comprendre هذا, il faut savoir أن الهداية نوعان. La guidée, elle est de deux catégories. قال المراد. أي, ce qui est voulu par le premier verset, يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. La première catégorie, c'est هداية الدلالة والإرشاد والبيان, أي le fait de montrer, أي on montre la guidée. فلا شك أن le prophète صلى الله عليه وسلم, il a montré la guidée, il a appelé à suivre la guidée. Ça, c'est le fait de montrer. لهذا قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, أي tu montres le chemin de la guidée. أما la guidée des cœurs, c'est le deuxième verset. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل. هداية التوفيق هو القبول, أي le fait d'accepter la guidée, de suivre la guidée. Ça, c'est Allah سبحانه وتعالى qui guide وحده. فلهذا قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré la guidée à son oncle, Abu Talib. Est-ce que son oncle, il a accepté? Allah, il ne l'a pas guidé. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré? Naam, il lui a montré hidayatu al-bayan wa al-dalala. Donc il n'y a aucune contradiction. قال وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut guider les cœurs. فنستفيد من هذا أننا نحن montre, on conseille, on veut le bien pour les autres. ثم لا guider, c'est بيد الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide ce qui il veut. Donc, on n'a pas de contradiction entre les deux versets. Ça, c'est la première étape d'Aiman al-Jam'a. Et ne pas se précipiter à vouloir faire at-tarjih ou parler de Nasir Mansour. Si les deux preuves, bien sûr, elles sont authentiques. Si on peut faire le jam'a, enfin, on fait le jam'a. Et on ne va pas répéter à chaque fois, Namit la hadhihi al-masa'il, ça revient à Ahlul Ilm. Amma al-jahil, ou celui qui est débutant dans la science, bah, il n'y a aucun doute, Annahu, il ne pourra pas faire le jam'a ahyanan à cause de son manque de science. Enfin, nahnu, à notre niveau, on revient au savant de la sunnah. Deuxième cas, on est toujours dans la première catégorie, une contradiction en apparence de deux preuves, deux arguments généraux. Donc, le premier cas, on fait le jama. Le deuxième cas, فَإِنْ لَمْ يُمْكِنَ الْجَمْعَ فَالْمُتَأَخِّرْ نَاسِخٌ إن علم التاريخ فيعمل به دون الآخر دون الأول. Deuxième cas, Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, il a cité أن la preuve qui est venue, qui a été révélée après, elle abroge la preuve qui a été révélée avant. Aïe, on revient au bab An-Nasikh wal-Mansour qu'on a étudié ensemble كذلك dans ce livre. En بعض العلماء هنا, ils ont cité le troisième cas avant le deuxième. Le troisième cas que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité, فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَ التَّارِيخْ عُمِلَ بِالرَّاجِحِ. بعض العلماء, ils ont dit, on fait التَّرْجِيح avant النَّاسِخْ وَالْمَنْسُوخْ. Et بعض العلماء, que Cheikh Ibn Uthaymeen, رحمه الله, il a cité النَّاسِخْ وَالْمَنْسُوخْ avant التَّرْجِيح. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنَ الْجَمْعَ. Si on ne peut pas rassembler entre les deux versets, les deux hadiths. Enfin, on doit faire at-tarjih. Si on ne peut pas faire at-tarjih, enfin là, chacun a, si les deux preuves, bien sûr, elles sont authentiques, un des deux hadiths ou des deux versets, il abroge l'autre. قَالَ شَيْمُ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَالْمُتَأَخِّرْ نَاسِخْ. Et ça, c'est une condition في باب النَاسِخْ وَالْمَنْسُخْ, comme on a vu précédemment. Alors, on doit connaître, bien sûr, at-tarjih. On doit connaître, est-ce que cette preuve, elle a été révélée après cette preuve? Si on ne connaît pas la date, on ne peut pas parler de abroger. On ne sait pas quel verset il est descendu après pour abroger le précédent. Ou le hadith. قَالَ إِنْ عُلِمَ التَّارِيخ فَيُعْمَلْ بِهِ دُونَ الْأَوَّلِ. Avec cette condition, si on connaît le tarikh. قَالَ مِثَالُ ذَلِي قَوْلُهُ تَعَالَ فِي الصِّيَامِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ. فَهَذِهِ الْآيَةُ تُفِيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Ces deux versets, le premier, Allah subhanahu wa ta'ala في سورة البقرة قال فمن تطوع خيرا له فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. Ce verset il montre qu'on a le choix. Si on veut on jeûne, et bien sûr c'est le mois de Ramadan, et si on veut on ne jeûne pas et on fait une sadaqa à la place. Le deuxième verset, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُّمْهُ. Quand le mois de Ramadan, il commence, on doit jeûner. C'est un ordre. Donc, il y a une contradiction en apparence. Et في الحقيقة, il n'y a pas de contradiction. قَالَ شَيْخُ الْعُثَيْمِينَ تُفِيدْ تَعْيِينَ الصِّيَامَ دَاءً فِي حَقْ غَيْرِ الْمَرِيدُ وَالْمُسَافِرِ وَقَضَاءً فِي حَقِّهِمَا لَكِنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الْأُولَى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. Donc le verset الذي فيه الوجوب فمن شهد منكم الشهر فليصمه, il abroge l'autre verset. Et au départ les musulmans ils avaient le choix, imma ils jeûnaient, imma ils faisaient as-sadaqa. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le verset et في المصحف juste après في سورة البقرة, c'est une obligation de jeûner pour tout le monde. Donc le choix qu'on avait au départ, ou plutôt que le musulman ils avaient au départ, il a été abrogé par l'obligation. Donc, après la révélation de ce verset, et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps, tout le monde doit jeûner sur Yom Ramadan, sauf bien sûr ceux qui ont une excuse. Celui qui est malade ou en voyage, il remplace les jours qu'il a manqués. Donc ça, c'est un exemple. Donc il n'y a pas de contradiction. Les deux versets du Coran, Al-Karim, c'est des versets, c'est la parole d'Allah Azzawajal, et un des versets, il a abrogé l'autre. Le troisième cas, فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح وتقدم معنا أن بعض أهل العلم يقولون أن ce troisième cas في الحقيقة c'est le deuxième. Avant de parler de ناسخ ومنسوخ on regarde الترجيح. أي est-ce qu'on peut faire passer un des deux textes avant l'autre avec des قرائن, des choses qui montrent que ce verset passe avant celui-là, ou ce hadith, il passe avant tel hadith. قال إن كان هناك مرجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك. Donc on a deux hadiths. من مس ذكره, celui qui touche ses parties, فليتوضأ, il doit refaire les ablutions. Al-Hadith, le premier, il est vu Sunan Abi Dawud, comme fil Hashiya. Et l'autre hadith, la innama huwa bid'atun mink. Ils ont posé la question au prophète, alayhi salatu wasalam, est-ce que celui qui touche ses parties, il doit refaire l'wudu? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال la innama huwa bid'atun mink. C'est une partie de toi. Donc si tu la touches, tu n'as pas à refaire les ablutions, elle fait partie de toi. Le premier hadith, celui qui touche, c'est parti, il refait al-wudu, il refait les ablutions. قال الشيخ ابن عثيمين فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. Il a cité plusieurs points pourquoi on fait passer le premier hadith avant. Le premier point, قال لأنه أحوط. وهذا, ça arrive beaucoup. Al-ulama, il cite beaucoup. Quand tu as ce genre de khilaf, et tu as une chose, est-ce que si tu touches tes parties, tu refais al-wudu? Tu trouveras kathirun min al-ilm, ils diront, tu refais l'wudu min bab l'ihtiyat. Et par précaution. Lianna al-khilaf, il est qawi, la divergence, elle est très très forte dans ce sujet. Et le fait de refaire l'wudu, ça te coûte rien. Belle, tu as des hasanats, et il n'y a aucun doute que si tu as fait l'odo, alhamdulillah, tu n'es pas à blâmer. La chèque. ثم قال ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر. On revient à l'authenticité des hadiths. بعض العلماء, ils ont parlé du hadith le deuxième, لا إنما هو بضعة منك. Il est في سنن أبي داود, في سنن الترمذي, et dans d'autres مصادر. Et بعض العلماء, ils ont montré أن هذا الحديث فيه ضعف. حديث طلق ابن علي. بعض العلماء أعلوه, ils ont montré des défauts dans la chaîne de transmission. Parmi ces défauts dans la chaîne de transmission, il y a un narrateur qui s'appelle قيس ابن طلق. فبعض العلماء قالوا أن هذا الحديث من أوهامه, أنه il s'est trompé dans ce hadith. الإمام أبو حاتم et كذلك أبو زرعة et d'autres, ils ont démontré que c'est un wahm de sa part, c'était une erreur de sa part. فالصحمة في الباب, c'est hadith من مس ذكره فليتوضأ. Le hadith, le fait de refaire l'eau dont on touche ses parties, il est asah عند كثير من أهل العلم. C'est pour ça que beaucoup de savants, ils font passer ce hadith avant le hadith إنما هو بضعة منك. Et ce genre de sujet, on ne détaillera pas beaucoup ici. Hey, c'est quoi la vie le plus juste en détaillant ala inshaAllah ta'ala, on essaiera d'étudier ce genre de sujet dans nos durus de fiqh qu'on essaiera de commencer après les cours de l'aqida bi'idnillahi azza wa jal. Wa ba'd al-ulama qalu falyatawadda ay min bab al-istihbab, C'est mieux de refaire le wudu. Et celui qui ne refait pas le wudu, fala shay alayhi. Ba'd al ulama, ils ont dit Man massa dakara falyatawadda ay bi shahwa. Et si c'est avec une envie, amma s'il a touché, c'est parti hakada, sans aucune intention, fa hada, la shakana indahum, il ne refait pas al wudu. Et le détail de ce point, inshallah ta'ala, dans d'autres livres. قوله ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم أي الأصل c'est que celui qui a l'eau d'eau son eau d'eau il n'est pas annulé que si on a un délil et vu que le premier hadith من مسا ذكرا ça nous fait sortir de ce أصل de cette base فبعض العلماء ils ont dit هذا ça montre que celui qui a rapporté ce hadith il a apporté une زيادة علم quelque chose en plus donc on met en application cette chose en plus. Et cette information, celui qui touche ses parties, il doit refaire les ablutions. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, ce qui nous intéresse, c'est la façon de faire. Tu as un hadith qui contredit l'autre en apparence. Et taqaddam ma'ana, dans les textes, il n'y a pas de contradiction. Le deuxième hadith, il est da'if. Il est faible. Et s'il est faible, on n'a plus besoin de le mettre en application. On garde le premier. Imma les deux hadith, ils sont authentiques, imma sahih, imma hasan, et les ulama, ils font un tarjih ou ils expliquent. Maintenant, ils disent, man massa dakarahu falyatawadda, c'est min bab l'istihbab, c'est recommandé. Pourquoi? Lianna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, innama huwa bid'atun mink, c'est une partie de toi. Donc l'ordre, c'est pour montrer que c'est recommandé. Hada faqat, c'est pour vous montrer la façon de faire. Wa illa, c'est quoi as-sahih fil mas'ala, inshallah. On verra ça et on l'a déjà vu avant dans certains cours. Et on reverra bi'idhnillah azza wa jal. Quatrième cas. فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ مُرَجِّحْ وَجَبَ التَّوَقُّفْ وَلَا يُوْجَدْ لَهُ مِثَالٌ صَحِيحٌ. Si on n'arrive pas à faire at-tarjih, فَالتَّوَقُّفْ. لكن, الشيخ ابن عثيمين رحمه الله dans son شرح, il a نبه أن هذا c'est un amr nisbi. Et si tu trouves un savant tawakkaf, et ça arrive, tu lis des fatawa, min kalam ahl al-ilm, et l'imam ou l'alim yatawakkaf, il s'arrête, il ne se prononce pas. Et tu trouveras un autre savant qui se prononce, bi'ilm, et avec des preuves. Là, chacun, on doit rechercher la preuve. On doit rechercher la vérité. Amma, celui qui ne sait pas, et ça peut arriver, maintenant, tu as une mas'ala et tu as plusieurs adillah et en apparence pour toi c'est contradictoire, tu t'arrêtes. Tu n'as pas le droit de parler bila ilm ou de dire ce verset passe avant celui-là ou tu parles d'abroger, abrogeant, nasir, mansour, bidoun ilm. Hada, c'est haram. Celui qui ne sait pas, il tawakkaf. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen قال ولا يوجد له مثال صحيح. Pourquoi? Il y en a forcément, il y a un savant qui aura montré le haq. Et forcément, s'il y a une contradiction d'apparence, il y a un tarjih à faire. Imma, le hadith, il est faible. Imma, c'est même pas Nasir ou Mansour. Imma, les savants, ils ont donné une explication claire. Fa'ala kulli hal, tu trouveras jamais deux textes qui se contredisent en apparence et personne de la Umma a réussi à montrer as-sawab. À clarifier, à trancher pour montrer comment faire pour appliquer ces preuves. Donc, hada, c'est la première catégorie. أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. On résume. Si la contradiction elle est entre deux arguments, من باب العموم, avec des généralités, il y a quatre cas. On essaie de rassembler entre les deux preuves. Si on ne peut pas, on fait tarjih. Quand je dis on, أهل العلم, nous à notre niveau, bien sûr, on revient aux savants. Enfin, les savants, ils font un tarjih. Ah, ils vont montrer, mathalan, que cet argument, il passe avant celui-là. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mathalan, ce hadith, il est faible. Donc, on fait passer ce hadith sahih avant. Troisième cas, an-nasikh wal mansukh. Peut-être que un des deux versets, ou des deux hadiths, il abroge l'autre. وهذا تقدم معنا un chapitre que sur الناسخ والمنسوخ. Quatrième cas, التوقف, وهذا c'est نسبيا. Et celui qui n'arrive pas à trouver la solution, Il connaît pas, est-ce que c'est même bab nasikh ou mansour. Mathalan, il n'a pas assez de ilm fil hadith, il ne peut pas trancher. C'est pas est-ce que ce hadith il est da'ifam là. Fahada, il s'arrête, il ne se prononce pas, il fait des recherches. Et forcément, un imam de la communauté, il a démontré le haq. Limada li anna al-Qur'an wa sunnah c'est min kalam illahi azza wa jal, ou le Qur'an c'est min kalam illahi azza wa jal, wa sunnah c'est min wahyi illahi subhanah. Et c'est forcément la vérité elle ne se contredit pas. Wallahu a'lam. Al-qismu thani, la deuxième catégorie. An yakun at-ta'arud bayna khassayn falahu arba'u halat aydan. Deuxième catégorie, c'est une contradiction en apparence entre deux arguments spécifiques. On a en effet bab al-khass. Et kadhalik, on l'a détaillé précédemment. Si il y a une contradiction en apparence, kadhalik, tu as quatre cas. Awulan an yumkin al-jam'a baynahuma fayajib al-jam'a. C'est exactement comme la mas'ala précédente. Si on peut rassembler entre ces deux arguments spécifiques, on doit le faire. Mithaluhu hadith Jabir radiyallahu ta'ala anhu fi sifati hajj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam salla adh-dhuhra yawm an-nahr bi Makkah. Et hada al-hadith il est sahih Muslim. Comme fi al-hashiya ay hadith Jabir at-tawil. Et c'est une base dans l'explication des rites du Hajj, manasik al-Hajj. Hadith Jabir, il a détaillé, comme a fait Sahih Muslim, le Hajj du prophète, alayhi salatu salam, du début jusqu'à la fin. Et certains savants, ils ont expliqué ce hadith, que Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, dans un livre. Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, il a informé anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat al-dhuhr, yawm al-nahr, le jour du nahr, et le 10 de Dhul Hijjah à Mecca, quand il a fait le Hajj. Ou hadith ibn Umar, radiyallahu anhuma, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam, sallaha bimina. Amma ibn Umar, radiyallahu anhu, il a informé anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat al-duhr à Mina. Donc tu as bien deux cas spécifiques. C'est la salat, c'est le même jour, et c'est la même salat, al-duhr, et le même jour, yawm al-nahr. Jabir, il a dit, à Mecca, radiyallahu anhu, et Ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit Amina. Et là, chacun des nabis sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat al-duhr imma Mekka imma Amina. Le deuxième hadith, il est fait sahih al-Bukhari et fait sahih muslim. Donc, ce cas, il est taillé pour bien comprendre et pour bien appliquer à hadhihi al-usul que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité, les deux hadiths ils sont authentiques. Enfin, comment faire dans ce cas-là ? قال شيخ العثيمين رحمه الله فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة أي من باب الفريضة c'était l'obligation ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه أي نافلة. Pourquoi on fait هذا الجمع ? أولا on a dit les deux hadiths ils sont authentiques. ثانيا les compagnons bien sûr c'est tous des personnes de confiance. Et Jabir, il a informé de la vérité qu'il a vue. Et Ibn Umar, il a informé de la vérité qu'il a vue. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc, on est obligé de faire le jam'. Les deux informations, elles sont authentiques. Fawad al-ulama, qalu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat à Mecca. Salat al-duhur. Kama qal Jabir, radiyallahu anhum. Thumma, il s'est déplacé. Kama huwa ma'rouf, yawm al-nahr. Quand l'insan il est à Mecca, il fait le tawaf, il est à Akhiri, il doit revenir à Mina. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu à Mina, il a trouvé As-Sahaba radiyallahu anhum qui était à Mina, il n'avait pas encore fait le dhuhr. Qala wa lamma kharaja ila Mina, a'ada biman fiha min As-Sahaba, ou min As-Sahabihi radiyallahu anhum. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a refait le dhuhr. Wa hada c'est ma'rouf. Anna l'insan il a le droit de refaire une salat obligatoire, lakin avec l'intention de nafila. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat al-duhr, et c'était lui l'imam, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et il avait comme intention un nafila, une salat recommandée, et as-sahaba radiyallahu anhum qui était derrière lui, ils ont fait salat al-duhr avec niyat al-fard, avec l'intention de l'obligation. Et hada, c'est permis. Donc hada, c'est un exemple tayyib. Vous avez pu remarquer comment les savants ils font jam'a. لأن cette situation, on a dit, elle peut pas être contradictoire, abadan. Donc, هذا الجمع, cette façon de rassembler entre les deux hadiths, c'est une façon طيبة. Deuxième cas, فإن لم يكن أو فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. نعم. تقدم معنا أن بعض العلماء ils ont fait passer الترجيح avant. مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن قال فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. Ces deux versets, le premier, من سورة الأحزاب, il est juste avant le deuxième, نعم. Le premier, c'est le numéro 50, et le deuxième, c'est le numéro 52. من سورة الأحزاب. فالله سبحانه وتعالى, dans le premier verset, قال يا أيها النبي, إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى آخره. أي, أن الله عز وجل, il a permis au prophète صلى الله عليه وسلم de se marier avec des femmes. من, bien sûr, المؤمنات. وما ملكت يمينك إلى آخره. Dans le deuxième, قال لا يحل لك النساء من بعد. أي, une interdiction de se marier avec النساء من بعد إلى آخره. شيخ ابن عثيمين قال فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. العلماء اختلفوا هنا. بعض العلماء قالوا le deuxième verset il a abrogé le premier. أي النبي صلى الله عليه وسلم au départ c'était permis qu'il se marie avec autant de femmes qu'il voulait. ثم une certaine période نسخ الحكم فالله سبحانه وتعالى il lui a interdit لا يحل لك أي ce n'est plus permis. هذا c'est un قول. Et Cheikh ibn Uthaymeen, il a détaillé qalilan dans son charh. Un autre qawl, et fil haqiqa, il est aqwa, et l'imam al-Shinqiti, rahmatullah alayhi, dans son livre, Daf'a, Iham al-Ittirab, il a détaillé cette mas'ala. Et on a fait un tambih, ce livre, il est jamil, jiddan. Daf'a Iham al-Ittirab, an ayat al-kitab. De Al-Allama Al-Shinqiti Rahmatullah Alayhi Sahib Adwa Al-Bayan. Kadalik son livre Adwa Al-Bayan. C'est des références, khasatan ces deux livres fil Qur'an, pour savoir comment faire quand deux versets, en apparence, pour toi, ils se contredisent, tu sais pas comment faire le jama'. Reviens à ces deux livres. Adwa Al-Bayan, c'est un tafsir, il explique le Qur'an bil Qur'an, et quand il y a une contradiction en apparence, il détaille. Si tu trouves pas dans Adwa Al-Bayan, fais reviens à Dav'a Iham Al-Ittirab. C'est un livre khas, c'est un livre qu'il a écrit que pour montrer les contradictions en apparence de certains versets. Et il a cité cette mas'ala. Et il a cité le qawl que Cheikh ibn Uthaymeen il a choisi. Et il a cité un autre qawl. Anna fil haqiqa, le premier verset, il a abrogé le deuxième. Et ça, c'est un des rares cas, il y en a deux, fil Qur'an, anna un verset, matalan, huna, le cinquantième, le premier verset, fil haqiqa, il abroge le verset qui est venu après. On parle dans l'ordre du mushaf. Enfin, c'est un de ces deux cas. Donc, c'est l'inverse. Au départ, un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et il n'avait pas le droit de se marier avec telle et telle femme. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala قال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك إلى آخره. Aïe, ce hukm il a été abrogé, un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait se marier avec des femmes mu'minates. Al-Imam Shinqiti rahimahullah ta'ala, comme argument, il a cité anna fi hadha al-hal, on doit revenir aux personnes qui connaissaient le mieux an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, khasatan fi hadha al-bab, ay les femmes du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il a cité des hadiths an Aisha radiyallahu anha wa an Umm Salama, ay parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhunna. Et il y a des hadiths qui montrent, mathala hadith Aisha, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, ou qalat plutôt hiya, ma mata sallallahu alayhi wa sallam hatta ahallallahu lahu nisa. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu halal les femmes, bien sûr, en se mariant, avant de mourir. Ça montre que c'était la dernière situation, c'était le dernier hal, le dernier avant de mourir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette autorisation. Donc ça montre bien que le verset 50, il abroge le verset 52 de sourate Al-Ahzab. Et celui qui veut des détails, il revient au livre de l'imam Al-Shinqiti, rahmatullah alayhi. Thumma qal, rahimahullah, الثالثة, le troisième cas, on est toujours dans les deux arguments spécifiques qui sont contradictoires en apparence. فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. Et هذا, on répète encore une fois, أن بعض العلماء le cite en deuxième position. أي après le جمع, si on ne peut pas faire le جمع, فالترجيح. قال مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. حلال هنا أي il n'était pas en état d'ihram. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. أي le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est marié avec ميمونة, il était en état d'ihram. Et ميمونة elle a informé أن النبي صلى الله عليه وسلم il s'est marié avec elle et il n'était pas en état d'ihram, il était halal. فهنا il y a un tarjih à faire. لأن le premier hadith il est في صحيح مسلم, hadith ميمونة. Et le deuxième, أي عن ابن عباس رضي الله عنه, il est في الصحيحين. Donc les deux hadiths ils sont authentiques, plutôt les deux athar, أي les deux paroles de ses compagnons. قال في الراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وقال وكنت الرسول بينهما. Donc dans ce cas, les ulama ils ont fait passer la parole de Maymouna avant. Et on a fait une précision, أن ابن عباس رضي الله عنه اجتهد. Il a pensé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié en état d'ihram et il a dit cette parole. لماذا? لأن la parole du compagnon, c'est pas min al-wahi, c'est pas la révélation. Donc le compagnon il peut se tromper, il peut oublier. Ah, on a précisé hada hatta ne pas penser que c'est une contradiction entre deux paroles du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Là, on a c'est la parole d'Ibn Abbas avec la parole de Maymouna radiyallahu anhum ajma'in. Ibn Abbas, il a pensé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'est marié avec Maymouna en état d'ihram. Maymouna, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est mariée avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment, elle-même elle a informé qu'il était en état d'ihram. Enfin, il n'y a aucun doute. Anna, dans ce cas, on va prendre la parole de Maymouna, radiyallahu anha. Limadha li anna, c'est elle qui s'est mariée. Et on est tous d'accord, anna, celui qui se marie connaît mieux la date ou le moment de son mariage qu'un autre. Anna, La deuxième preuve que Cheikh Ibn Uthaymeen a cité pour appuyer هذا القول, hadith Abi Rafi' fa fihi dha'f. Ay Abu Rafi' radiyallahu anhu, il a informé annahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Maymouna en étant il était pas en état d'ihram, il était halal. Et c'était lui le messager, ay l'intermédiaire entre Maymouna et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith il est dha'if. Al-Imam Al-Albani rahmatullah alayhi dha'afahu kama fi al-Hashiyah. À la kulli hal, le fait que Maymouna, c'est sahibatu al-qissa, c'est elle qui s'est mariée, elle connaissait mieux la situation, la date de son mariage, ou l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son mari, ça passe avant la parole d'Ibn Abbas. Quatrième cas, فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّحْ وَجَبَ التَّوَقُّفْ وَلَا يُوجَدْ لَهُ مِثَالٌ صَحِيحٌ. هذا تقدم, c'est comme le quatrième cas des deux généralités. Et si un savant il s'arrête parce qu'il ne peut pas faire un tarjih, il ne peut pas trancher, il ne peut pas s'exprimer pour montrer tel hadith, il passe avant tel hadith, fa fi hadha al-hal tu trouveras un autre savant qui montrera. Troisième catégorie, an yakun at-ta'arud bayna 'am wa khass, fa yukhassas al-'am bil khass. Ce point, cette troisième catégorie, taqaddamat ma'ana. On l'a étudié ensemble walillahil hamd dans ce livre quand on a lu le chapitre du 'am et du khass. Et la globalité et la spécificité, et on avait étudié ensemble un al-khas, et le spécifique qui passe avant la généralité. قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق أو فوق bien sûr, à partir de 5 أوسق أو plus, la zakat elle est obligatoire. Donc, قوله فيما سقط السماء العشر, un dixième. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. Voilà, chacun a le deuxième hadith, il spécifie le premier. Pourquoi? لأن ces deux hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم il peut pas se contredire. Il était appuyé par la révélation. Et هذا on l'a étudié ensemble auparavant. Al-qism al-rabi', la dernière catégorie, an yakun at-ta'arud bayna an-nassayn ahadihima a'am min al-akhar min wajh wa akhas min wajh falahu thalath halat. Cette troisième catégorie, al-haqiqa, elle est un peu plus complexe que ce qu'on vient d'étudier ensemble. Lakin ma'a at-tarkiz, en suivant et en relisant et en révisant, بإذن الله عز وجل vous allez comprendre. قال أن يكون التعارض بين النصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. أي tu as deux arguments, deux preuves. مثلا deux hadiths. Ces deux hadiths ils contiennent une généralité et une spécificité. Il est général et spécifique. Donc إذا حصل التعارض بين النصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه, dans ce cas-là tu dois appliquer certaines choses. أولاً, premièrement, أن يقوم دليل على التخصيص, أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. مثاله, on lit l'exemple pour que ça soit plus clair. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Ces deux versets, c'est sur l'idda de la femme. Le premier, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, est les hommes qui meurent, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, et ils laissent une femme. Cette femme, قال عز وجل, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ. Cette femme, sa idda, c'est 4 mois et 10 jours. Elle ne peut pas se remarier. Elle ne peut pas avoir de rapport avec un autre homme pendant 4 mois et 10 jours. Elle a le temps de voir est-ce qu'elle est enceinte, Amla. Et d'autres hikam. Qawluhu, le deuxième, wa ulatul ahmal. Vous avez remarqué que le premier, c'est l'homme qui meurt et il délaisse une femme. Cette femme, elle peut être enceinte ou elle peut être pas enceinte. Le deuxième, wa ulatul ahmal. C'est les femmes enceintes. Ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Cette femme enceinte, c'est la spécificité et la généralité. Peut-être que cette femme enceinte, la idda, c'est par rapport au divorce. Son mari, il est vivant, lakin il a divorcé. Peut-être que c'est plus vaste. Elle a perdu son mari. Donc la généralité, elle est huna. Amma, le premier verset, il y a la spécificité. Walladine yatawaffawna. Cette femme, elle a perdu son mari. Son mari, il est mort. La généralité, c'est qawluhu yadharuna azwajan yatarabbasna. Cette femme, elle peut être enceinte ou pas. Le deuxième verset, la spécificité, c'est que cette femme, elle est enceinte. C'est spécifique à la femme enceinte. La généralité, c'est que cette femme, elle a plus de mari. Peut-être que son mari, il est mort. Peut-être que son mari, il l'a divorcé. Donc, vous avez remarqué que ces deux versets, il y a une spécificité et une généralité dans le même verset. قال شيخ ابن عثيمين فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. Donc, à التخصيص, c'est المتوفى عنها زوجها, elle a perdu son mari. Et la globalité, ça englobe la femme enceinte ou autre. Le deuxième verset, وَثَانِيَ خَاصَةٌ فِي الْحَامِلِ. Donc, elle est spécifique pour les femmes enceintes. عَمَّةٌ فِي الْمُتَوَفَّ عَنْهَا وَغَيْرِهَا. Donc, c'est spécifique pour la femme enceinte que son mari, il soit mort ou que son mari, il l'ait divorcé. قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ سَبِيعَ الْأَسْلَمِيَ وَضَعَتْ بَعْدُ وَفَاتْ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. سَبِيعَ radiyallahu anha, à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, son mari il est mort et elle a accouché quelques jours après. فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ تَتَزَوُّجْ. Le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a autorisé, lui a permis de se remarier. وَعَلَى هَذَا, donc si tu as compris هَذَا, فَتَكُونْ عِدَّةُ الْحَامِلْ إِلَى وَضْعِ الْحَمْلِ سَوَاءً كَانَتْ مُتَوَفَّنْ عَنْهَا أَمْ غَيْرِهَا. Ça nous montre أَنَّ الْعِدَّةَ de la femme enceinte, c'est l'accouchement. Que ça soit dans le cas que son mari, il est mort ou autre. Ça nous montre أَنَّ la femme enceinte, قَوْلُهُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. La femme enceinte, si son mari la divorce, ça... Idda, période de viduité, ils traduisent. Ça sera l'accouchement. Si cette femme est enceinte et son mari il est mort, sa période, kadhalik, de idda, ça sera, kadhalik, l'accouchement. Donc, huna, on a un autre verset. والذين يتوفون منكم ويذو منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا, il y a un cas spécifique. La femme enceinte qui perd son mari, c'est pas 4 mois et 10 jours. Là, il y a un autre verset qui spécifie, c'est قوله وأولات الأحمال. Donc, on déduit de هذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. C'est pour la femme qui perd son mari et qui n'est pas enceinte. Elle doit attendre avant de se remarier, sa période de idda, c'est 4 mois et 10 jours. Si elle est enceinte, elle bascule dans le deuxième verset, min hayth al-hukm. Si elle accouche, elle a fini sa période de idda. Donc on a bien deux hadiths, ou plutôt on a deux versets, et ces deux versets contiennent une généralité et une spécificité. Fa fi hadha al-hal, la généralité qui est citée dans le premier, tu la spécifies avec la spécificité qui est citée dans le deuxième. Wallahu ta'ala a'lam. Et ça peut être assez compliqué la première fois quand on limite la hadha al-kalam, lakin après avoir écouté cette explication et on a essayé de résumer, de simplifier, et vous relisez ce passage, et bien idnillahi azza wa jalla, ça sera plus simple. Deuxième cas, wa in lam yaqum dalil ala at-takhsis umum ahadihima bil akhar umila bil rajih. Si on a ce cas, lam yaqum dalil ala takhsis umum ahadihima, on n'a pas un dalil qui spécifie cette généralité, ففي هذا الحال الترجيح. Il va citer un exemple, ou il a cité un exemple, et inshallah ta'ala ça va être plus clair. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. Le premier hadith, قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد, si quelqu'un rentre au masjid, il ne doit pas s'asseoir avant de faire deux rak'at. Ce que les ulama ils appellent تحية المسجد. Le deuxième hadith, la salat, et tu n'as pas le droit de faire as-salat, bien sûr on a c'est la salat recommandée, بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. La salat, tu n'as pas le droit de faire salat à ces deux moments. J'ai dit la salat recommandée, lakin fil haqiqa, le hadith il est clair, la salat, il n'y a pas de salat. Est-ce que si tu as manqué une salat obligatoire, est-ce que tu peux la faire à ce moment? مثلاً, واحد, il s'est endormi le matin. Il ne s'est pas réveillé pour le fajr. Il se réveille et le soleil, il ne s'est pas encore levé. Il va bientôt se lever. Ça, c'est un waqt nahi. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit attendre que le soleil se lève. Bien sûr, un certain moment pour pouvoir faire salat nafil. Mathalan, à ce moment, ça commence le temps pour faire salat al-duha. Enfin, est-ce que celui qui se réveille en retard, il peut faire salat al-fajr dans ce cas? Amla. Enfin, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, قال, فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت. Le premier hadith, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي أو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Dans ce hadith, tu as une spécificité ou quelque chose de spécifique et tu as une généralité. Enfin, la généralité, c'est قوله عليه الصلاة والسلام الوقت. Plutôt, c'est le temps. Et d'adakhala ahadukum, à n'importe quel moment. Tu rentres le matin, tu rentres le soir, tu rentres avant l'asr, tu rentres après l'asr, tu rentres avant le maghrib, après le maghrib, muhim. Quand tu rentres au masjid, à n'importe quel moment, tu ne dois pas t'asseoir, sauf si tu as fait deux rak'at. Donc on a bien une généralité. قال والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة. Donc le premier, la spécificité, on l'a pas cité. Et d'adakhala ahadukum le masjid. Donc c'est le masjid, c'est spécifique au masjid. Et la généralité, donc c'est le temps, à n'importe quel moment. Le deuxième hadith, قال خاص في الوقت. Vous avez remarqué que le hadith, le temps il est spécifique. Hey, après, as-subh, avant que, ou plutôt jusqu'à ce que le soleil se lève, et après l'asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc tu as bien deux moments qui sont définis, qui sont précisés. قال يشمل تحية المسجد وغيرها. Al-Haqiqa, si tu prends le deuxième hadith, la salat, tu ne dois pas faire salat à ce moment, enfin, ça englobe tahiyat al-masjid. Qawlu idha dakhala ahadukum al-masjid, le premier hadith, si quelqu'un de vous rentre au masjid, il doit faire deux rak'at, fa fil haqiqa, ça englobe ce temps, que ça soit après subh ou après l'asr. Donc, fi hadha al-hal, il y a une contradiction en apparence. Qala Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها وإنما رجحنا ذلك لأن التخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. Et ça, c'est une règle très très importante. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a choisi le premier umum. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Pourquoi? Il a choisi le premier umum لأنه il est plus fort. Aïe, si on rentre au masjid, et même si on est dans ce moment où un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de faire salat, la généralité du premier elle est plus forte. L'imada, les anna, celui qui a manqué, et on revient à notre première question, celui qui a manqué salat al-fajr, et il se réveille, même si c'est à ce moment, le soleil va bientôt se lever, ou il s'est endormi avant l'asr, et il se réveille avant le maghreb, fi hada al-hal il fait la salat. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé أن celui qui s'endort من نام عن صلاة أو نسيها, celui qui dort أو qui oublie une صلاة, il doit la faire quand il se rappelle. Même si c'est un وقت où à la base on ne doit pas faire صلاة. Donc ça nous montre أن la généralité elle est plus forte. Donc تستفيد من هذا أن quand tu rentres au masjid avant le maghrib, c'est permis de faire deux rak'at. Si tu as manqué صلاة ou tu as oublié une salat, et tu te rappelles à l'instant où tu te rappelles, tu refais salat. Même si c'est un moment où à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de faire salat. فَلِهَذَا قَالَ فَضَعُفَ عُمُومُهُ أي, la généralité, dans le hadith, la salat بعد الصبح, مثلاً, on ne doit pas faire salat après le subh. Cette généralité, فالحقيقة, elle a été spécifiée par plusieurs choses. Ça montre que cette généralité, elle n'est pas aussi forte que le premier hadith, est si quelqu'un rentre au masjid, qu'il fasse deux rak'a. La preuve, et là, ça renforce la généralité du premier, أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الجمعة المسجد, et النبي صلى الله عليه وسلم il faisait الخطبة. Et il s'est assis, النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit, قم فصلي ركعتين. Pourtant, c'était الخطبة. Et al-khutbah, ta'lamoun, anna al-muslim, il doit écouter, il doit être concentré, il ne doit pas parler, il ne doit pas bouger sans raison. Il a aqli. Ma'a hadha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de faire ses deux rak'at et de ne pas s'asseoir. Al-ulama, ils ont dit, ça montre anna, la généralité, elle est très très forte. Et même le vendredi, même si l'imam, il est en train de faire le khutbah, son sermon, fi hadha al-hal, on doit faire tahiyatul masjid. Hadha, ça renforce l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, et c'est sahih. Et on avait, avec certains frères à l'époque, cité un autre exemple, on l'avait propagé en audio, fima athkur, par rapport à le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam pendant la khutbah de l'jumu'ah. Est-ce que tu dois dire sallallahu alayhi wa sallam amla? C'est exactement le même point. Tu as deux généralités et deux spécificités. Enfin, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Mathalan, il nous a ordonné, quand on entend son nom, de dire sallallahu alayhi wa sallam. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de parler pendant al-khutbah. Enfin, est-ce que pendant al-khutbah, quand on entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit se taire? En appliquant la généralité, tu ne dois pas parler pendant la khutbah. Ou est-ce que tu dois dire sallallahu alayhi wa sallam, en appliquant la généralité, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de faire salat sur lui quand son nom il est prononcé, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, ça revient à la même chose. Tu regardes la globalité la plus forte. C'est pour ça que as-sahih, c'est que c'est permis de dire sallallahu alayhi wa sallam pendant la khutbah. Limada, li anna, on a des adillah qui montrent que pendant la khutbah, ahyanan c'est permis de parler. On peut en citer deux. Le premier, anna rajulan fi zaman al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré au masjid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le khutbah. Et cet homme, ce compagnon, radiyallahu anhu, il a interrompu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, Ya Rasulullah, fais pour nous un dua. Pourquoi les anahoum, ils étaient touchés par la sécheresse? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua. Et il ne lui a pas dit, pourquoi tu parles? Il a arrêté. Donc ça montre, anna, ahyanan, c'est permis de parler pendant la khutbah. ثانيا العلماء يقولون أن السليمام يسو ترومب pendant la خطبة مثلا يسو ترومب dans la récitation d'un verset أو il n'arrive plus à réciter ce verset, il est bloqué, يجوز pour celui qui est proche de lui أن يفتح عليه أي il lui cite le verset, au moins il lui cite le début حتى l'imam il se rappelle, même s'il est en pleine خطبة. Ça montre أن العموم de ne pas parler في الخطبة il est spécifié par certaines choses. أما le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam sur le prophète quand son nom il est cité, enfin, cette généralité elle n'est pas spécifiée, donc elle passe avant le fait de se taire. فَلِهَذَا الصَّحِيح مِنْ أَقْوَالْ أَهْلِ الْعِلْمِ c'est que quand le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est prononcé même pendant la khutbah, enfin, c'est permis de faire salat sur lui. لكن il précise bien à voix basse حَتَّى tu ne déranges pas ton frère qui est à côté de toi. Enfin, tu prononces très doucement la salat sur le prophète alayhi salat wa sallam. تُسَمِّعْ نَفْسَكْ tu n'as pas besoin de faire écouter les autres. هذا والله تعالى أعلم. قال وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. نعم وهذا تقدم معنى أن si un savant يتوقف مثلا واحد lui pose une question avec deux généralités dans un hadith, matalan, et le savant yatawakaf, il dit, je ne peux pas me prononcer, tu trouveras un savant, incha'Allah ta'ala, qui a montré al-haq fi hadhihi al-mas'ala. Thumma, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a conclu ce chapitre très très important avec la remarque qu'on a fait au début du cours. Qala rahimahullah, lakin, la yumkin al-ta'arud bayna al-nusus fi nafsi al-amr ala wajhin la yumkin fihi al-jam'a. Donc, ce n'est pas possible que deux arguments, deux preuves, deux versets ou deux hadiths authentiques, bien sûr, ils sont contradictoires et personne ne peut faire le jama'a. Personne ne peut montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Et tu peux mettre en application les deux preuves ou montrer qu'il y a, مثلا, ناسخ ومنسوخ, abrogé, abrogeant. Enfin, ça, ce n'est pas possible. قال لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيع. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas faire at-tarjih, comme on vient de faire matalan l'exemple de la salat sur le prophète alayhi salatu salam. Est-ce que tu peux faire salat tahiyat al-masjid à telle heure? Tous ces exemples, tu ne peux pas trouver un exemple où il n'y a pas de jam', il n'y a pas de nasr, il n'y a pas de tarjih. Ce n'est pas possible. Qala li anna an-nusus la tatanaqad. On répète le verset walaw kana min 'indi ghayri Allah la wajadu fihi ikhtilafan katira. Donc, il n'y a pas de contradiction dans la révélation d'Allah Azza wa Jal. Qala wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qad bayyana wa ballagh walakin qad yaqa' dhalik bihasab nazar al-mujtahid li qusurihi wallahu a'lam. Na'am qad yaqa' hadha min al-mujtahid ay an imam parmi les imams de la sunna annahu dans cette situation il oublie matalan une autre preuve pour faire at-tarjih ou il a oublié que ce sujet, ça faisait partie du nasikh ou mansour ou autre. Les imams, voilà, chaque année, ils ne sont pas infaillibles. Ils oublient, ils se trompent, ils l'aqlent. Lakin, comme on l'a vu, fibab al-ijma', la communauté, elle ne peut pas se rassembler sur une erreur. Enfin, forcément, tu trouveras la vérité en faisant des recherches. Ça nous montre l'importance de faire des recherches. Ça nous montre l'importance d'étudier awwalan pour pouvoir faire des recherches. Ça nous montre kadalik l'importance de ne pas suivre aveuglément. Si tel shir, il n'a pas la réponse à un autre, forcément, il aura la réponse. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa thabat. Et on répète, nansah al-ikhwa, dans ce genre de situation, عند التعارض, si des versets ils sont contradictoires pour lui en apparence, de revenir au livre de al-alama al-shir Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullah alayhi, daf'a iham al-ittirab. Enfin, il est très très important fi hadha al-bab, et kadhalik son livre Adwa al-Bayan. Et à la kulli hal, de revenir à Ahlul Ilm, de revenir aux grands savants, inda al-ishkal, quand l'insan il pense qu'il y a une contradiction dans un sujet. Fa nas'alullah azza wa jal al-thabat wa al-tawfiq wa naktafi bi hadha. Et le prochain cours, on lira le chapitre at-tartib bayna al-adilla, et c'est la suite de ce chapitre. Walhamdulillah. Et on passe à notre deuxième darse. Le prochain darse de Al-Usul, min ilm al-Usul, ça sera samedi prochain. Inch'Allah.